clément, Dieu remplit le monde. Oui, c'est étonnant, il aime tout le monde. Au commencement, Dieu forma le monde. Débordant d'amour, quand tout était sombre, il créa le jour, la nuit, la lumière. Depuis pour toujours, unis en grand nombre, quand revient le jour, bénis le Dieu Père. Au commencement, Dieu créa le monde. De chaque élément, Dieu remplit le monde. Oui, c'est étonnant. Dieu forma le monde. Débordant d'amour pour donner la vie, il créa le ciel, les mers et la terre. Depuis pour toujours, tu vois comme tout brille. Ô Dieu éternel, offre ta prière. Au commencement, Dieu créa le monde. De chaque élément, Dieu remplit le monde. Oui, c'est étonnant, il aime tout le monde. Au commencement, c'est beau et fit de la place. Depuis pour toujours, selon leur espèce, voici en cadeau les fruits qu'on ramasse. Au commencement, Dieu créa le monde. De chaque élément, Dieu remplit le monde. Oui, c'est étonnant, il aime tout le monde. Au commencement, d'amour, quand tout était vide, il fit les poissons, l'oiseau, la baleine. Depuis pour toujours, l'aigle si rapide, vois comme c'est bon là-haut dans la plaine. Débordant d'amour, il créa les hommes, il souffla la vie sur Adam et Ève. Depuis pour toujours, si proche de chaque homme, il fit la famille avec tous ses